بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, le mercredi 15 du mois al-Muharram de l'année 1445 de l'Hégire, correspondant aux deux août 2023. Nous poursuivons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala cette série au sujet de l'athéisme. Hier, on a commencé à parler de l'argument cosmologique, la loi de la causalité, ou qu'on appelle encore l'argument de l'existence. Et j'avais commencé à en parler et on a vu que cet argument dit que chaque créature a forcément un créateur. Chaque effet a forcément une cause. Et ça, c'est parmi les axiomes. C'est parmi les choses qui n'ont pas besoin d'être démontrées. Parmi les réalités qui n'ont pas besoin d'être démontrer. C'est ce qu'on appelle une axiome. Donc, chaque créature a forcément un créateur. Et chaque effet a forcément une cause. Quand l'athée accepte cet argument rationnel incontestable, il n'y a qu'un fou pour le rejeter. Et on va voir pourquoi. Quand il accepte cet argument, il dit effectivement, tout ce qu'on voit autour de nous, sans exception, comme effet, ont forcément une cause. Il n'y a rien qui est sans cause dans notre monde. Et dans toutes nos expériences et dans toutes nos sciences, il n'y a rien qui existe sans cause. Et ça, comme j'ai dit, c'est un axiome, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est évident. Ça fait partie des évidences, ce qu'on appelle badahiyat, les évidences. Personne ne va te demander de lui démontrer pourquoi 1 plus 1 égale 2. C'est un axiome. Personne ne va demander de lui démontrer pourquoi la totalité d'un objet est supérieure à une partie de lui. C'est un axiome. Et toutes les sciences expérimentales sont basées sur des axiomes, sur des prémices sur lesquelles s'accordent tous les humains doués de bon sens. Il n'y a que le fou qui les discute ou qui les rejette. Personne ne va te dire, non, moi je suis pas d'accord que 1 plus 1 égale 2. Pourquoi t'es pas d'accord? Parce qu'on peut pas le démontrer. Effectivement, les axiomes, ce sont des choses qu'on ne peut pas démontrer. Et qui n'ont pas besoin d'être démontrées, c'est des évidences. Est-ce que quand tu sors de jour et tu vois le jour devant toi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, donne-moi des preuves qu'il fait jour maintenant et pas nuit? Si quelqu'un te dit ça, tu vas te poser des questions au sujet de sa raison. Et donc la loi de la causalité, c'est une évidence. Et c'est un axiome. Donc l'athée, s'il a un minimum d'intelligence, il accepte cet argument. Il ne peut pas le discuter. Par contre, il va te poser la fameuse question. Tout bêtement, il te dira, si chaque créature a un créateur, donc, qui a créé Dieu? Tu lui démontres que Dieu est le créateur de toutes choses. Comment on va le démontrer? Après, il dit, qui a créé Dieu alors? Chaque créature a un créateur. alors là, c'est le comble. Si on veut comprendre très simplement cet argument de l'existence, on peut donner un exemple simple. Si on s'imagine qu'un prisonnier doit être libéré et que le policier chargé de sa libération dit « Je ne peux pas le libérer jusqu'à recevoir l'ordre de mon supérieur. » Et son supérieur, il dit de même « Je ne peux pas donner l'ordre jusqu'à recevoir un ordre de mon supérieur également. » Et ainsi de suite. Si il n'y a pas ce qu'on appelle une cause première, c'est-à-dire un policier qui n'a pas besoin de recevoir l'ordre de quelqu'un d'autre, et c'est lui qui va prendre la décision de lui-même, il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. S'il n'y a pas au bout de cette chaîne un policier qui donne l'ordre de lui-même, ce prisonnier ne sera jamais libéré. Et si jamais on voit le prisonnier libéré, on saura qu'il y a une cause première, qu'il y a un policier qui a donné l'ordre et qui n'a pas eu besoin d'attendre l'ordre de son supérieur. C'est pour ça qu'on l'appelle la cause première. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe dans le raisonnement de l'athée? Il reconnaît que Dieu est la cause première de la création. Chaque création a une créature. Chaque création a un créateur. On ne parle pas de Dieu Allah. Forcément, il y a un créateur. Après, pour dire que c'est ce créateur, c'est Allah, c'est le Dieu des religions monothéistes. Avant la falsification du judaïsme et du christianisme, et c'est le Dieu invoqué dans la religion de l'islam, ça c'est une autre étape. Maintenant, on veut juste lui démontrer, d'une manière rationnelle, que l'existence de cet univers est une preuve de l'existence d'un créateur premier, qu'il a créé et que lui, il est un créé. Sinon, lui aussi, il aura besoin d'un créateur. Il ne sera pas une cause première. Il sera une cause deuxième, ou troisième, ou quatrième. Lakin, quand a reconnu que c'est une cause première, c'est bête de dire par la suite qui a créé la cause première. Car la cause première, elle est incréée. Sinon, elle ne peut pas être une cause première. Et si on voit devant nous la créature, on saura qu'il y a cette cause première. Sinon, ça conduit vers une régression à l'infini. Et la régression à l'infini implique qu'il n'y aura jamais de créature. Rien que le fait de voir l'univers devant toi, c'est une preuve de l'existence de son créateur qui est un créé. Rien que le fait de voir le prisonnier libéré, ça implique forcément... Il n'y a pas autre hypothèse. Ça implique forcément qu'il y a eu un policier qui a donné l'ordre et qui n'a attendu personne pour qu'il donne cet ordre. Sinon, s'il attend, l'autre il attend, c'est une régression à l'infini. C'est ce qu'on appelle une régression à l'infini. Et la régression à l'infini, c'est une chose impossible. Quand on voit le prisonnier libéré, quand on voit l'univers devant nos yeux, on sait que c'est pas possible que ce soit une régression à l'infini. Car si c'était une régression à l'infini, il n'y aurait pas eu de libération de ce prisonnier, ni de création de cet univers. Donc, la formule exacte de l'argument de l'existence, c'est que toute chose qui a commencé à exister, toute chose qui a été créée, a forcément un créateur qui est un créé. Et que toute chose qui a commencé à exister, a forcément une cause qui lui a donné existence, et que cette cause, elle auto-existe par elle-même. Elle est auto-existante. Car si cette cause a eu besoin aussi d'une cause pour lui donner l'existence, ça sera une régression à l'infini, et ça, c'est impossible. Et c'est pour ça, tout ce que tu vois devant toi, c'est des preuves de l'existence de leur créateur, qui est incréé. Tout ce que tu vois devant toi. Donc, ça, c'est un argument rationnel que tout homme doué de bon sens accepte, sauf un fou ou quelqu'un qui renie les évidences. Et donc, c'est un fou. Car renier cet argument revient à renier l'essence et la raison. Toi, tu vois l'univers devant toi, tu vois la création, tu vois le monde, tu vois les animaux, tu te vois toi, et tu renies qu'il y a une cause première, c'est un signe de folie ou d'erreur dans le raisonnement. Nous voyons ces créatures, nous les touchons, nous les observons, donc l'univers existe. C'est pas une illusion. C'est pas une illusion, c'est une réalité. Et la réalité de son existence est une preuve de l'existence de son créateur qui est incréé. Qui est incréé. Après être convaincu par l'existence de ce créateur incréé, l'athée, il peut passer à une autre esquive. Il peut dire, d'accord, et ça, ce sont ce qu'on appelle ou bien les déistes, ou des fois les agnostiques, ils ont le même raisonnement également. Oui, ça existe, mais ça peut ne pas exister. D'accord, ça peut ne pas exister, ça veut dire on rejette les arguments rationnels, on rejette toutes les lois universelles, on croit en plus rien. En plus rien, et ça, des athées, il y en a qui l'ont dit. Il y en a qui l'ont dit. Ils ont dit, il n'y a pas de loi universelle, il n'y a pas de causalité, il n'y a rien, il n'y a pas de raison. Même Darwin, il l'a dit. Il doute de sa raison. Pourquoi ? Parce qu'il est affronté à des vérités comme ça, et lui, c'est un homme scientifique, c'est un médecin. C'est quelqu'un qui a étudié, c'est un scientifique, il a un esprit scientifique, effectivement. Donc, comment s'en sortir? Il peut pas donner des réponses toutes bêtes comme certains, comme tu peux entendre de certains athées qui n'ont pas étudié ou qui ont un niveau très bas et pourtant qui pensent être dans la modernité et dans le développement. Par contre, lui, face à toutes ces vérités, à toutes ces réalités, il dit, moi, je ne crois pas en ma raison. Qui me dit que ma raison, elle est juste? Ma raison, elle est issue de la matière et de l'interaction hasardeuse et aléatoire et aveugle. Comment je vais placer ma confiance en cette raison humaine? Et on va voir certaines de leurs citations à ce sujet-là. Donc, il dit, d'accord, il y a ce créateur incréé qui subsiste par lui-même, autosubsistant, auto-existant, omnipotent, vivant, éternel, je crois en ça. Mais, pourquoi tu veux me forcer à l'appeler Allah? Pourquoi tu veux que je croie que c'est Allah? On lui dit, cette cause première qui a tout créé et qui est incréée est forcément une cause vivante. T'es d'accord? Oui. Pourquoi? Tout simplement parce que celui qui ne possède pas une chose, il ne peut pas la donner. Celui qui n'est pas lui-même vivant, il ne peut pas donner la vie à autrui. C'est pour ça, parmi les paradoxes de la théorie de Darwin, un des plus grands, c'est l'explication de l'origine de la vie. Ça, Darwin ne s'exprime même pas sur ce point. Il ne s'exprime même pas. Donc, parce qu'ils savent qu'il ne peut donner la vie que le vivant. Aussi, cette cause première a une volonté. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que cette cause première a voulu l'existence de cet univers. Cet univers n'a pas existé malgré elle. Elle l'a voulu. Donc, elle a une volonté. Aussi, cette cause première est omnipotente, car elle est capable de créer, et on voit cette œuvre, son œuvre et sa création. On la voit avec nos yeux. Donc, elle a une omnipotence capable de créer. Et aussi, on voit sa création. Et cette cause, forcément, première, est dotée de science omnisciente et de sagesse, car on voit, et elle est dotée également de perfection, car on voit tous ses attributs et toutes ses caractéristiques, on les voit à travers sa créature. Quand tu vois la perfection d'une conception, tu déduis l'ingéniosité. Et la science et le savoir du concepteur. Ensuite, nous lui disons que toutes ces descriptions, tous ces attributs qu'on vient de citer, ils ne correspondent à aucune divinité. Ils correspondent à une seule qui est Allah. Le dieu de l'islam. Aussi, c'était le dieu des chrétiens et des juifs, mais avant la falsification, avant qu'ils introduisent la Trinité chez les chrétiens, et avant que les juifs ne disent que Uzair est le fils de Dieu, et avant la falsification de leur religion d'une manière générale, car la falsification, elle ne concerne pas que ces points-là. Donc, le dieu unique, qui a tous ses attributs, qui est parfait et qui est omniscient, omnipotent, autosubsistant, auto-existant, éternel et qui a les plus beaux des attributs, c'est Allah. C'est pour ça, nous disons que les preuves sur l'existence d'Allah sont des preuves rationnelles. C'est pas une question sentimentale ou une question d'éducation. J'ai été élevé dans une société et j'ai grandi, donc je me suis retrouvé dans ça. Non, c'est une question qui correspond à la raison saine. C'est une question qui correspond parfaitement à la raison humaine saine, à la nature humaine saine, à la raison saine et à tout le reste. Donc la question qui a créé Dieu est une question fausse qui s'oppose à la raison. Comme si tu disais, qui a créé l'incréé? Qui a cuisiné? Qui a cuisiné le cuisinier? Qui a peint le peintre? Et ainsi de suite. Et Annie, si tu entends quelqu'un poser une question comme ça, tu vas rigoler. Qui a cuisiné le cuisinier? Tu vas rigoler. C'est la même chose ici. Qui a créé l'incréé? Quand tu as affirmé que l'univers existe, et qu'il est créé, forcément, et ça, même la science moderne l'a démontré. Donc, il doit y avoir une cause première, incréée. qui a créé l'univers et qui n'a pas besoin d'une autre cause pour la créer. Car elle est incréée, sinon l'univers n'existera jamais. Quelqu'un peut dire, d'accord, jusque-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi je me dis, et c'est pour ça que je suis agnostique, donc je parle, je dis ce qu'ils disent. Ils disent, d'accord, j'ai compris ce que tu dis, et c'est tout à fait logique et rationnel. Maintenant, moi je reste sceptique. Pourquoi? Parce que la science expérimentale peut démontrer à l'avenir, dans un siècle, dans deux, dans dix, qui me dit que la science expérimentale n'arrivera pas à démontrer autre chose que ce que tu as dit, avec d'autres arguments. Nous lui disons, c'est impossible que la science expérimentale s'oppose à ces lois universelles et à ces axiomes, notamment la loi de la causalité. Sinon, cette science expérimentale n'aura aucune valeur. Comment on arrive à des résultats dans la science expérimentale, si ce n'est en nous appuyant sur les lois universelles, sur les axiomes? Comment on arrive à faire des démonstrations en mathématiques, en physique, en s'appuyant sur les axiomes? Et donc, si on contredit les axiomes, les résultats auxquels nous allons aboutir n'auront aucune valeur. C'est pour ça que la science moderne, la science expérimentale ne pourra jamais démontrer l'inverse de ce raisonnement qui a été fait et qui démontre l'existence de Dieu. Car ces axiomes, ce sont des vérités évidentes en soi et sur lesquelles d'autres connaissances vont se reposer et vont se construire. Et si tu nies un axiome, ceci reviendra à nier les évidences. Et tu ne peux pas nier un axiome sans te contredire. Regarde, si tu dis « je ne crois pas », ces gens-là, il y en a qui sont arrivés, il y en a, ils n'ont pas de limite, bien évidemment. Il y en a, mais c'est une faible minorité qui arrive à dire « moi, je ne crois pas en les lois de la causalité ». Je ne crois pas en cela. Pourtant, cet homme qui dit « je ne crois pas en les lois de la causalité », cause à effet, si tu lui donnes, si quelqu'un le frappe, il va chercher à prendre son droit de lui et le conduire devant des tribunaux. Et pourquoi d'ailleurs les tribunaux existent si la loi de la causalité n'était pas appliquée? Chacun qui fait un mal, il dit, non, c'est pas moi, c'est pas parce que j'ai fait cette cause que ça a donné cet effet. Il n'y a pas de lien. Donc si quelqu'un le frappe, il peut lui dire, moi j'ai mis ma main, mais c'est pas l'effet qui a été produit, c'est pas l'effet de ma main. C'est l'effet du néant. Et regardez le délire, où est-ce qu'il peut aller? En tout cas, celui qui renie ses axiomes, forcément il va se contredire. Et les athées, souvent ils annoncent des choses dans la théorie qu'ils ne pratiquent pas eux-mêmes dans la réalité. Et qu'ils ne peuvent pas pratiquer. Car en réalité, ils se mentent à eux-mêmes. Ils essaient de légitimer leur égarement en s'appuyant sur des choses qui n'ont aucun sens en réalité. Et qui n'ont aucune valeur scientifique. Et après, des gens comme ça, ils viennent, ils prétendent suivre la science. Et maintenant, c'est l'effet des médias. Ils profitent des médias, ils ont le monopole sur les médias et sur les universités. Ils ne laissent embaucher que des scientifiques qui adhèrent à leur théorie. C'est pour ça, les scientifiques croyants dans les universités, selon certaines statistiques, ne dépassent pas 10%. Alors que le nombre de scientifiques, si on fait la liste, et on le fera, un jour on le fera, je vous citerai tous les noms des grands scientifiques qui ont révolutionné l'histoire de la science depuis toujours, et la grande majorité d'entre eux, ce sont des croyants et non pas des athées. Que ce soit parmi les anciens ou les contemporains. Mais ceux qui sont présentés dans les télés, sur les plateaux de télé, les émissions, c'est ceux qui sont bien évidemment d'accord avec ces théories. Un autre point dans lequel on voit les contradictions et les raisonnements fallacieux des athées. C'est ce qu'ils appellent en anglais « the purpose of life », le but de la vie. Ça, cette question, yani le but de la vie, pourquoi je suis sur Terre? Pourquoi je suis ici? Quel est mon objectif? Et qu'est-ce qu'il y a après la mort? Ça, c'est des questions que tout homme se pose. Un enfant, quand il voit une chose devant lui, il se demande à quoi ça sert. Et ça, c'est aussi des choses innées chez l'homme. C'est des outils que Dieu a mis en toi pour que tu arrives à la vérité. C'est des outils que tu as en toi. C'est pas des choses que tu apprends. Tu vois une chose, tu cherches à savoir à quoi ça sert, quel est le fonctionnement, quel est son objectif, quel est son but, et ainsi de suite. Ça, c'est des choses innées. Et ça fait partie de la nature humaine, saine, cette forme de programmation qu'on a en nous. C'est ce qu'on appelle fitra. Donc, ces questions sur le but de la vie est une miséricorde pour le croyant. Et c'est une souffrance et châtiment pour le non-croyant, notamment l'athée. C'est une miséricorde pour le croyant parce que ces questions le poussent à chercher la vérité et à y croire et à s'y attacher. Et ça donne un sens à sa vie. Ça lui fixe des objectifs. Ça lui donne l'espoir, l'envie de vivre. Et il vit dans une harmonie avec ses sens, avec ce qu'il voit, avec ce qu'il entend, avec sa raison, avec sa nature humaine saine, avec ses instincts, avec ses intuitions. Il est dans une harmonie. Il est dans le bonheur. C'est pour ça le croyant, il jouit d'un bonheur dans son cœur, comme bien même il est éprouvé dans son apparence, touché par des maladies, touché par une pauvreté. Et ça, c'est parmi les causes de l'entrée en islam de beaucoup de mécréants qui sont partis dans des pays d'islam, malgré que, entre parenthèses, c'est des pays de l'islam, mais il y a des péchés, il y a beaucoup de non-respect de la religion de l'islam. Mais c'est des musulmans quand même, c'est des musulmans quand même. Donc, rien qu'avec ce qu'ils ont de l'islam, et ils n'ont pas toute la religion dans leur majorité, qu'Allah réforme notre communauté et qu'on s'accroche au livre d'Allah et à la tradition de son noble prophète. Donc, des mécréants m'ont rapporté que c'était la cause de leur islam. Ils sont partis dans ces pays-là, ils voient des gens qui vivent dans la misère dans l'apparence. Il est pauvre, s'il trouve de quoi manger le midi, il ne trouve pas de quoi manger le soir, il est dans une pauvreté extrême. Et il le voit souriant, joyeux, heureux, épanoui. Quand la nuit tombe, Il met sa tête sur son oreiller, il s'endorme paisiblement et tranquillement. Il se réveille, il accomplit sa salat, ça remplit sa journée de bonheur. Quand il voit ça, il n'arrive pas à expliquer ce phénomène. Lui, qui, entre parenthèses, a tous les éléments du bonheur, il a l'argent, il a la maison, il a la voiture de luxe, il a la femme, il a la famille, et entre parenthèses, il a le chien. Il a tout ce qu'il faut pour être heureux, et pourtant, il est malheureux. Et subhanallah, ça se lit sur leur visage. J'ai eu affaire à des gens qui sont très fortunés, des PDG, des grands directeurs, mais tu vois son visage crispé, une noirceur sur le visage. Et tu vois, il est triste, il est malheureux, il n'est pas heureux. Comment il peut être heureux alors qu'il renie celui qui l'a créé? Quelle ingratitude est pire que celle-là. C'est pas non seulement tu te soumets pas, mais tu rentres dans des défis contre celui qui t'a créé. Je jure par son nom, s'il veut, tu n'existerais plus en une parole. Mais Dieu est clément. Dieu est tolérant. Dieu est pardonneur. Dieu laisse toutes les chances au serviteur pour revenir vers lui. Et malheur à lui s'il ne revient pas avant que son âme quitte son corps. Malheur à lui, malheur à lui. Wallahi, par celui qui m'a créé, quand je réfléchis et je pense à ce qui nous attend après la mort, et l'incrédule, il est dans une insouciance totale par rapport à tout ça, malheur à lui. Donc ça, c'est une cause de bonheur et de miséricorde pour le croyant. Et c'est une cause de souffrance et de profonde tristesse. Et chaque athée, il connaît ça de lui-même. Je vais vous citer quelques paroles qui sont choquantes. Chaque athée connaît ça de lui-même, même s'il essaie de mentir. C'est pour ça qu'il a besoin. De quoi il prenne plaisir le plus souvent, c'est quoi? C'est des choses qui font disparaître la raison. Il veut tuer sa raison. Il ne veut plus réfléchir rationnellement et penser à ces questions-là, qui sont une cause de souffrance pour lui, permanente. Même s'il a tous les éléments de la joie et de la gaieté. Il boit l'alcool, il consomme les drogues, tout ce qui fait disparaître la raison. Afin de ne pas penser à ces questions auxquelles il n'aura jamais de réponse. Ni dans la science moderne, ni dans la science expérimentale, ni chez les athées, ni ailleurs. Il ne trouvera réponse à ces questions que dans la religion de vérité, qui est en parfait accord avec la nature humaine saine. William Proven, un professeur de biologie à l'université de Cornell, qui est un athée, bien évidemment, il dit pas de Dieu, pas de vie après la mort, pas de moralité absolue, aucun objectif dans la vie, aucun libre arbitre pour l'homme. Toutes ces notions sont profondément liées à la théorie de l'évolution. Ici, aujourd'hui, tu es ici, demain, tu mourras, c'est tout. Regardez sa croyance. Cet homme, qui a été touché par un cancer dans le cerveau et duquel il a guéri, il s'attendait au retour de la maladie, car les médecins lui ont dit qu'il y a de fortes probabilités qu'il retombe dans ce cancer du cerveau. Donc il s'attendait à la mort et à ce que la maladie revienne. Il a dit « J'ai vu mon frère souffrir. Il espérait tellement mourir et mettre fin à sa vie, mais nous, on n'a pas pu l'aider. Pourquoi ? jusqu'à ce qu'il est devenu complètement paralysé, il ne pouvait plus donner fin à sa vie par lui-même. Et son entourage ne pouvait plus faire ça, car c'est un crime. C'est un crime, tuer une personne comme ça. Lakin, si lui, il l'aurait fait, d'accord. Donc lui, après avoir vécu ces scènes-là, il dit, on n'a pas pu l'aider. Il a dit, par contre, moi, je ne resterai pas comme ça. Je me mettrai une balle dans la tête, bien avant. C'est pour ça l'athée, ou bien il vit comme vivent les animaux. Il jouit, il profite de la vie pleinement. Mais du moment qu'il ne peut plus vivre ainsi, à cause d'une maladie ou autre, pour lui, il doit mettre fin à sa vie. Parce qu'il est là pour mourir, comme il a dit cet homme avant. J'ai cité ce William Proven et sa parole qui démontre la mentalité de l'athée. Il vit pour profiter comme un animal. Et du moment qu'il ne peut plus profiter pour une cause ou pour une autre, alors il faut qu'il mette fin à sa vie. Et compare ça à la vie du croyant. Le croyant qui s'attache à sa vie pour multiplier les bonnes œuvres et se rapprocher davantage de son Créateur. Et ça, c'est en parfait accord avec la théorie de l'évolution. Il n'y a pas de Dieu, comme il l'a dit lui-même. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de sens pour la vie, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de mort, de vie après la mort. Pourquoi il va rester en vie s'il ne peut plus profiter à cause de la maladie ou autre? Et là, je vais vous citer quelque chose d'impressionnant que vous pouvez trouver sur YouTube. Le célèbre réalisateur et cinéaste et acteur américain, athée, bien sûr, qui s'appelle Woody Allen. Woody Allen, c'est apparemment quelqu'un de très très connu. C'est une grande star américaine. Cet homme, déjà, et ça c'est pas spécifique à lui. Ça, c'est un phénomène que tu trouves chez tous les athées. Chez les athées, tu vois une tristesse sur leur visage. Et c'était flagrant chez cet homme qui est un des plus riches du monde et des plus connus et une des grandes stars américaines, Woody Allen. Je l'ai entendu parler. Et c'était choquant pour moi, car même si on sait qu'ils sont comme ça, mais quand tu les entends parler vraiment avec ces choses-là, tu te dis, ça c'est les conséquences de renier le Créateur. Il vit dans des drames, et dans des sinistres, et dans des... Yani, comment décrire ces choses-là? En tout cas, il parlait dans une conférence, il parlait du point le plus difficile à prouver aux gens. Il a dit, la chose la plus difficile à prouver aux gens, c'est de leur prouver que notre vie sur cette terre a un sens, que nous vivons avec des objectifs, que nous avons une volonté. Il a dit tout ça, c'est des choses très difficiles à démontrer aux gens. Et souvent, c'est basé sur le mensonge. Donc lui, il croit, comme ceux qui l'ont précédé parmi les athées, que la vie n'a pas de sens, il n'a pas d'objectif, il n'a pas de finalité, il n'a pas de but, il n'y a rien après la mort. Il vit en attendant le jour où il va mourir. Et on ne dit même pas le jour où son âme va quitter son corps, car il ne croit pas en l'existence de l'âme. Lui, c'est un simple corps. C'est pour ça qu'il ne connaît pas les bonheurs de l'âme. Il ne connaît pas les jouissances de l'âme. Il connaît que les bonheurs, que les plaisirs. Je ne les appelle pas bonheur. Le bonheur, c'est un sentiment profond et continu et permanent et qui n'est pas dépendant de ta richesse ni de ta beauté. Alors que ce que les athées peuvent collectionner, ce sont des moments de plaisir. Il va manger dans un restaurant, il va dans une discothèque, il va connaître une femme, connaître une autre, et ainsi de suite, afin de ne pas se lasser et afin d'oublier la réalité amère et afin d'oublier ces questions de souffrance, comme on a dit au début. C'est pour ça, il a dit que lui, pourquoi il a choisi de faire du cinéma? Il a dit c'est pour divertir les gens, afin qu'ils ne pensent pas à toutes ces questions. Sinon, c'est un drame si tu commences à penser qu'un jour tu vas mourir et tu n'existeras plus jamais. Que un jour tu vas perdre des proches aimés. Et donc, pour lui, tous ces films, c'est afin de s'occuper un maximum et de ne jamais penser à ces questions existentielles. Car à chaque fois, l'une d'entre elles vient, c'est la souffrance. C'est pour ça ces questions, ce sont des causes de bonheur pour le croyant et des causes de châtiment pour le mécréant. Et à ces questions, bien évidemment, les scientifiques athées ne répondent jamais. Prenons l'exemple de Richard Dawkins, l'imam, si on peut le décrire comme ça, l'imam de l'athéisme à notre époque. Richard Dawkins a été questionné « Pourquoi on est là ?»« The purpose of our life. » »« Quel est le but de notre vie ? » ?»« Pourquoi on est là ?» Ils font beaucoup de livres à ce sujet-là, car ils savent que c'est des questions que tous les hommes se posent, donc ils essayent de les dévier de la réponse. Écoutez la réponse de Dawkins à cette question. Sur un plateau de télé ou quelque chose comme ça, quelqu'un parmi le public lui a posé la question. Il lui a dit, explique-nous pourquoi on est là, sur Terre. Quel est le but de notre vie? Sa réponse, il lui a dit, écoutez bien. Il lui a dit, pourquoi tu penses avoir le droit de poser cette question? C'est une question sans signification. Et il lui a donné un exemple. Il lui a dit, si je te pose la question, pourquoi existent les montagnes? Quel est le but des montagnes? Tout simplement, il a dit, il y a des questions qui ne méritent pas de réponse. Pour la question sur les montagnes, quel est le but des montagnes? Il lui a dit, on peut répondre avec des réponses tirées de la géologie qui expliquent l'existence des montagnes. Mais ce n'est pas ce que tu veux. Tu veux l'objectif de l'existence des montagnes. Ensuite, il lui a dit, c'est une question stupide qui ne mérite pas de réponse. Et ça, c'est parmi leurs techniques. Quand ils sont bloqués et coincés, ils esquivent la réponse ou ils prennent celui qui a posé la question comme un stupide. Ils vont se moquer de lui. Donc, poser la question sur l'objectif de ton existence, toi, homme, c'est une question stupide. Même les enfants, comme j'ai dit, ils posent les questions au sujet de l'objectif de tout ce qu'ils voient autour d'eux. Mais toi, homme intelligent, ayant découvert la lune, les planètes, les galaxies, t'as pas le droit de savoir pourquoi tu existes sur Terre. Et c'est une question ridicule. Naam, c'est ce que je voulais dire. Ils ridiculisent leur adversaire. Ils esquivent la réponse tout en ridiculisant leurs adversaires. Quelqu'un qui pose la question pourquoi il existe sur Terre, il est ridicule, il est stupide, il est bête. Il pose une question qui ne mérite pas de, même pas de réponse. Naam, ils esquivent la réponse tout simplement parce que la vision matérialiste du monde qu'ils ont ne peut répondre à aucune de ces questions. Les questions élémentaires de tout homme, ça ne donne pas de réponse. C'est pour ça ils font tout pour oublier ces questions et ne jamais penser à ces questions-là. Et ça, c'est quelque chose que tu peux constater. Si tu as un athée dans ton entourage, pose-lui ces questions et tu vas voir qu'il va s'énerver, qu'il va pas vouloir t'écouter. Car tu lui rappelles des moments de souffrance prolongés et qu'il n'oublie qu'en consommant de l'alcool ou des choses qui font disparaître la raison, ne serait-ce que momentanément. Donc ça, c'est au sujet de ce point très important qui concerne le but de la vie. Le but de la vie. Donc l'athée, il peut esquiver aussi, quand on a parlé du créateur, il reconnaît qu'il y a un créateur incréé. Et il reconnaît ses attributs qu'on déduit à partir de sa création. Mais, par la suite, il dit, mais ce créateur a abandonné le monde. Il l'a délaissé. Ou il ne sait pas ce qui se passe dans ce monde, comme certains déistes disent. Et ça remet en cause ce qu'il a reconnu au départ. Un créateur décrit avec la perfection. Un créateur omniscient, omnipotent. Et ça, c'est comme l'exemple de quelqu'un, ceux qui disent ces choses-là, c'est comme l'exemple de quelqu'un qui a fondé une entreprise et dans laquelle il l'a équipé de toutes les machines et de tous les appareils nécessaires à la perfection. Et dans cette entreprise, il a mis des employés, des gens pour travailler. Et par la suite, cette entreprise n'a aucun intérêt. Est-ce que quelqu'un peut accepter ça? Quelqu'un a fait une entreprise à la perfection, équipée, dans laquelle il a mis des salariés, il a tout fait, et en fin de compte, cette entreprise n'a aucun intérêt, n'a aucun profit. C'est comme ce qu'ils disent eux. Ils disent le Créateur a créé l'univers dans cette perfection, et dans cette munitie, et dans cet ordre, et dans cette excellence. Et ensuite, cette création est sans but, et sans sagesse, et sans cause, et sans sens, ça c'est quelque chose qu'aucun homme intelligent ne peut accepter. Également parmi les raisonnements fallacieux des athées, c'est qu'ils représentent les choses abstraites comme éléments de tromperie et de supercherie. C'est-à-dire qu'il te parle d'une chose abstraite comme si c'était quelque chose de matériel. Ils disent la nature quand il parle de la sélection naturelle. La nature choisit le plus fort, le plus apte, le plus adapté. La nature choisit, la nature fait. Ça, c'est des descriptions d'un être matériel, réel, qui existe, et non pas de quelque chose de abstrait. C'est pour ça que nous leur disons, la nature de laquelle vous parlez, c'est un être existant, décrit avec la science et l'omnipotence et la sagesse absolue, afin qu'elle ait ce que vous dites comme description. Elle choisit, elle a une volonté, elle a un choix, elle a une capacité, elle a une sagesse. Et là, ils sont bloqués. Et cette nature de laquelle vous parlez, est-ce que vous parlez de la nature qui est composée des arbres et des végétations et des différentes plantes? C'est ça la nature pour vous, qui fait et qui crée? Ou vous parlez de quelque chose d'abstrait? Donc si c'est abstrait, ça fait partie du monde de l'invisible et du surnaturel, et qui ne peut être expérimenté par la science. En gros, ils vont donner les attributs d'Allah à ce qu'ils vont appeler nature. À ce qu'ils vont appeler nature. Aussi, parmi leurs tromperies et leurs vices de raisonnement, c'est qu'ils vont utiliser le résultat qu'ils sont censés démontrer, ils vont l'utiliser comme un prémisse. Et ils vont faire de la problématique une solution. Comment ça? Quand tu dis à un athée, l'univers est créé dans une perfection, dans une munitie, dans une harmonie, et ça ne peut pas être aléatoire et le fruit du hasard. Qu'est-ce qu'il te dit? Donc toi, tu lui as demandé de démontrer que l'univers a été créé par hasard. Tu lui as demandé de démontrer que l'univers a été créé par hasard et non pas par un être transcendant. Qu'est-ce qu'il te répond? Il te dit, l'univers est parfait. L'univers est minutieux et structuré et organisé à la perfection, et l'univers est venu par hasard. Est-ce que ça, c'est un argumentaire qui est accepté par les hommes, doux et de sens? Je te demande de me démontrer que l'univers a été créé d'une manière aléatoire, et non pas de te baser sur sa perfection et sa minutie pour dire qu'il est créé par hasard. Vous avez compris comment ils inversent les choses. Moi, je me base sur quelque chose de connu, une vérité absolue. Le hasard ne crée jamais la perfection. Le hasard ne crée jamais la perfection. Et on a vu mathématiquement, et on va parler encore de ce phénomène du hasard plus tard, inshallah ta'ala. En tout cas, la perfection est un signe de l'existence d'un créateur parfait. Quand tu vois un téléphone extrêmement sophistiqué et moderne, tu devines l'ingéniosité du concepteur. Et tu ne diras jamais que ça a été créé par hasard. Ils disent jamais ça par rapport à un téléphone. Alors que si tu prends le plus petit phénomène naturel qu'on a dans la nature, il dépasse tous les téléphones portables, tous les PC, tous les ordinateurs. Mais pour esquiver encore une fois la réponse, il va se servir du résultat qu'il est censé démontrer comme preuve dans son argument. La problématique qu'il est censé solutionner, il va faire d'elle la solution elle-même. L'univers est parfait et il a été créé par hasard. Aussi, yani du même genre, quand on leur demande de démontrer l'évolution et cette théorie de l'évolution, la théorie de Darwin. Quand on leur demande de démontrer la théorie, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il y a un phénomène que nous connaissons scientifiquement. Lequel? La bactérie. La bactérie développe une résistance aux anticorps, aux antibiotiques. Elle développe une résistance aux antibiotiques. Naam, ça c'est une vérité scientifique. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit donc la bactérie, elle évolue. Elle connaît une évolution. Le virus de cette année, il sera résistant au vaccin l'année suivante. Il développe une résistance. Ça, c'est vrai. Et donc, l'évolution existe. Est-ce que vous, dans votre théorie, vous parlez de cette évolution? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit que cette évolution n'existe pas? On parle de l'évolution que vous invoquez dans votre théorie, qui est de passer d'une espèce à une autre. On n'a jamais vu une bactérie qui est devenue un éléphant, ou un singe, ou un aigle royal. C'est de cette évolution que nous vous parlons, et sur laquelle on demande les preuves et les arguments. Une évolution d'une espèce à une autre. Et lui, il sort une évolution dans la même espèce. Et cette évolution, elle est connue pour tout homme. Il n'y a pas besoin que je te pose une question. T'étais un bébé, t'es devenu un enfant, adulte, après t'as vieilli. Non, c'est une évolution. Mais ça, tu vas pas commencer bébé et finir kangourou. Ou bien, quand ils arrivent pas trouver les étapes intermédiaires. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour trouver ces étapes intermédiaires? Combien de films, combien de reportages, combien d'imagination et d'illusion avec laquelle ils ont trompé les gens. Ils ont dit, l'homme a évolué. D'accord. L'homme est le cousin du singe. Et il faisait ce tableau dans lequel vous voyez le singe qui commence à se redresser petit à petit, ils dessinent peut-être des hommes, jusqu'à ce qu'ils deviennent comme l'homme d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont propagé ça? Qu'est-ce qu'ils ont mis ça dans les écoles? Et c'est un pur mensonge. Aujourd'hui, quand vous voyez ceux qui croient toujours en la théorie de Darwin, ils mentionnent plus cette image-là. Car ils ont réalisé qui se sont énormément trempés. Aujourd'hui, ils disent, il faut être naïf pour croire que l'homme est passé comme ça, d'un singe à un homme plus évolué, jusqu'à arriver à l'homme d'aujourd'hui. Et avant d'arriver à cette vérité aujourd'hui, c'est pour ça aujourd'hui, comme j'ai dit, ils font pas ce dessin. Ils font un arbre. Et ils disent, c'est beaucoup plus complexe l'évolution que ce qu'on croyait. Ils continuent à croire à l'évolution. De toute façon, ils vont toujours continuer à y croire. Ils vont toujours continuer à y croire parce que c'est la seule échappatoire à la foi en Dieu. Ils ne trouvent pas autre chose. Ils n'ont que ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bricoler, dépanner, adapter, et ainsi de suite. L'essentiel, c'est de se rassurer et de rester dans leur égarement. Donc, ils ont trouvé pour démontrer cette évolution, il y a quelques années, ils ont trouvé en Éthiopie, ils ont trouvé un crâne qui leur semblait, un crâne qui date de à peu près 150 000 ans. Et ce crâne, quand ils l'ont trouvé, ils étaient heureux. Voilà, on a trouvé une preuve sur des étapes de l'évolution. Car l'évolution nécessite qu'il y ait eu des étapes. Que ce soit par mutation ou par un rayon solaire ou tout ça, il faut qu'il y ait des étapes. C'est pas possible de passer du coq à l'âne, de passer du poisson à l'éléphant, de passer du poisson à l'aigle. Il y a des étapes, forcément. D'accord. Donc, ils ont trouvé ce crâne et ils étaient heureux. Ils ont dit, c'est bon, on a trouvé les preuves sur l'évolution. Et de ce crâne qui date de 150 000 ans. Et qui était un peu différent des crânes des Européens. Donc, ils ont dit, voilà une preuve. Plus tard, ils ont trouvé un crâne de plus de 300 000 ans et qui était proche de l'homme d'aujourd'hui. Là, ça a commencé à leur poser des problèmes. Jusqu'à ce qu'ils ont trouvé dans les dernières choses qu'ils ont trouvé, un crâne de plusieurs millions d'années. Et il était semblable au crâne des hommes d'aujourd'hui. C'est pour ça, maintenant, ils font l'arbre, comme je vous ai dit, pour dire que peut-être il y en a des hommes qui ont évolué, d'autres n'ont pas évolué. Ils étaient évolués il y a des milliards d'années. Et en réalité, ces crânes, c'est tout simplement la différence qu'il y a entre eux, c'est la différence qu'il y a entre les crânes des hommes aujourd'hui. Est-ce qu'on a tous le même crâne? Est-ce que l'Africain, il a le même crâne que l'Américain, que le Chinois? Mais ces gens, ils perdent l'esprit scientifique tellement ils sont passionnés par cette idée de la théorie de Darwin, tellement ils veulent pas croire en Dieu. Et je reviens toujours à la même citation avec laquelle on a commencé et avec laquelle on a fini, même si on fait une centaine de cours sur ce sujet, c'est que l'athée ne croit pas parce qu'il ne veut pas croire. Tout simplement. L'athée ne croit pas parce qu'il ne veut pas croire. Et dans cette théorie de Darwin, comme je l'ai mentionné plusieurs fois, il se base sur la ressemblance qu'il y a entre les espèces vivantes pour dire qu'ils ont un ancêtre commun. Pourquoi ils se basent pas sur ça pour dire qu'ils ont un créateur commun? Quand tu vois des appareils qui se ressemblent, tu te dis le fabricant est le même. Tu te dis pas ces deux machines descendent de la même machine. Qui dit ça? Personne. Aussi, les athées ont un problème qui découle de leur passion pour la théorie de l'évolution et qu'ils vont croire en des choses et prétendre que les preuves vont venir plus tard. Pour ça, quand ils sont coincés, ils disent la science va démontrer la véracité de la théorie de l'évolution plus tard. Dans un siècle, dans deux siècles, peu importe, lui, il reste sur ses convictions, sans preuve, mais la science va démontrer. Et ça, les hommes doués de bon sens n'agissent pas ainsi. il regarde l'épreuve et après il croit. Et non pas l'inverse, il croit et après il cherche l'épreuve. Le dernier point avec lequel on va terminer aujourd'hui, un autre point, quand l'athée esquive la réponse à la question posée, tu vas constater que les athées ne répondent jamais à la question qui. Ils répondent toujours à la question comment. Tu lui poses la question qui, lui te répond sur la question, il répond à la question comment. Prenons un exemple. Tu lui dis « Qui a créé l'univers ?» Il te dit « Les lois de la nature et l'interaction entre la matière. » Est-ce que je t'ai dit comment fonctionne la nature ? Comment fonctionne l'univers ? Oui, on est tous d'accord, l'univers il fonctionne selon des lois naturelles. Mais qui a créé l'univers ? C'est pas comment l'univers fonctionne. C'est comme si tu disais à quelqu'un qui a conçu l'avion, il te dit selon des lois mécaniques et aérodynamiques, l'avion a été créé selon des lois mécaniques et aérodynamiques et ainsi de suite. Est-ce que c'est ça la réponse à ma question ? Je sais qu'un avion, qu'une voiture, ou tu lui dis qui a fabriqué la voiture, il te dit la voiture fonctionne selon les principes de la combustion et ainsi de suite. Ça, c'est esquiver la réponse à la question posée et répondre sur une autre question qui n'a rien à voir avec ma question. Nous savons tous que la voiture fonctionne selon certaines lois, certains principes, la combustion du gasoil et qui donne le mouvement. Ça, c'est comment fonctionne la voiture. Mais qui a fabriqué la voiture ? C'est ça ma question. Qui a créé l'univers ? Et non pas comment fonctionne l'univers. Donc, Inch'Allah Ta'ala, nous allons nous arrêter ici. Et on continuera demain avec d'autres raisonnement fallacieux des athées. Si Allah nous le permet, nous demandons à Allah de guider tous ces gens-là vers la vérité et d'ouvrir leur cœur pour l'acceptation de la vérité et de leur faciliter cela et de leur montrer la vérité telle qu'elle est. Et de nous raffermir sur cette vérité jusqu'à le rencontrer. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayra. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.